Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. Médecins et crises se succèdent, le caducé dans l'ombre du crucifix. Le 6 octobre 1970, le docteur Reichelt, pneumologue, constate la guérison de la tuberculose pulmonaire d'Anneliese. Mais comme l'avaient déjà évoqué les médecins du sanatorium de Mittelberg, il confirme l'existence d'un problème cardiaque ou circulatoire, on n'apprendra d'ailleurs jamais ce dont il s'est agi, et réfère la patiente à son confrère interniste, le docteur Packhäuser. Celui-ci se montre bien davantage préoccupé par les crises d'épilepsie de la jeune fille que par quoi que ce soit d'autre, et contacte à cet effet le médecin de famille des Michel, le docteur Vogt. Une nouvelle crise, décrite comme sévère, atteint Anneliese en juin 1972. Elle retourne donc consulter le neurologue Siegfried Lüthi le 5 septembre. Une fois encore, aucune anomalie n'est détectée. Nouvelle crise le 8 novembre. Nouvelle consultation les 18 janvier, 7 mars, 4 et 6 juin 1973, avec toujours ce fardeau qui est en train de devenir l'absence de diagnostic. Quelques nouvelles manifestations s'ajoutent peu à peu aux signes présentés par la pauvre jeune fille. Perception d'odeurs nauséabondes dans son environnement immédiat et de bruits frappés dans sa chambre, sous le plancher, au plafond ou dans son placard. Un médecin audiologiste examine sa fonction auditive mais n'y trouve rien susceptible d'expliquer ce que la plupart considèrent n'être que des hallucinations. Les faces de diable grimaçant, les fameux Fratzen, continuent également de lui apparaître et des voix, venues d'on ne sait où, lui susurrent maintenant à l'oreille qu'elle est damnée. Anneliese est fatiguée, dépressive et avouera plus tard avoir eu des idées suicidaires à plusieurs reprises. Ne se sentant pas prise au sérieux par les médecins, et tout particulièrement par le docteur Lüthi, elle dissimule son réel état mental derrière un voile de silence et décide de ne plus aborder le fond de son problème avec les hommes en blanc. Quant aux médicaments, ils lui apparaissent parfois nuisibles, toujours inefficaces. Un jour, Anneliese regarde une statue de la Sainte Vierge posée sur la cheminée du salon. Soudain, ses mains se tordent, son visage se crispe en un faciès horrible et ses yeux deviennent noirs comme de l'encre. La mère est là, dans la pièce. Elle a tout vu et croit dorénavant que sa fille est effectivement damnée. Le concept de diable vient d'entrer officiellement dans la famille Michel. Et si le père se montre encore sceptique quant à la nature démoniaque des phénomènes, il propose tout de même d'amener Anneliese en pèlerinage à San Damiano, petite ville piémontaise où la Vierge Marie apparaît, semble-t-il, régulièrement à une dénommée Rosa Quattrini. Cela ne coûte rien d'essayer. Si ce n'est que la foi commence dès lors à supplanter la médecine. Les hommes en blanc, peut-être par insouciance, vont devoir progressivement laisser la place aux hommes en noir. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme » d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.